Alfred de Vigny à Madame d'Orval. Si des siècles mon nom perce la nuit obscure, ce livre écrit pour vous sous votre nom vivra. Ce que le temps présent tout bas déjà murmure, quelqu'un dans l'avenir tout le redira. D'autres yeux ont versé vos pleurs, une autre bouche dit des mots que j'avais sur vos lèvres rangés et qui vers l'avenir cette perte vous touche, iront de voix en voix, moi pur et tout changé. Mais qu'importe, après nous ce sera pire chaud, la source en jaillissant est belle, et puis à un désert de grands bois, un étang des roseaux, ainsi jusqu'à la mer, où va mourir sa course, ici destin pareil, mais toujours à la source, votre nom bien gravé se lira sous les eaux. Si des siècles mon nom perce la nuit obscure, ce livre écrit pour sous votre nom vivra. Ce que le temps présent tout bas déjà murmure, quelqu'un dans l'âme.